Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 4, supplément. Gaumet du Pré 1862. Question 50. Des empêchements du mariage. Énumération des empêchements du mariage. 1. Y a-t-il des empêchements du mariage? Il y a d'abord des empêchements prohibants, relatifs seulement à la solennité du sacrement de mariage, tels que certaines défenses de temps qui s'opposent à sa licité, mais non à sa validité. Il y a les empêchements dirimants, qui, contraires à l'essence même du mariage, le rendent absolument nul. Quelques importent sur le contrat, ce sont l'erreur et la violence, qui mettent obstacle au consentement. D'autres, attachés au contractant, les rendent inhabiles à l'usage du mariage, on les nomme les empêchements de l'impuissance de nature, de la servitude, de l'ordre et du vœu. D'autres sont particuliers seulement à certaines personnes, tantôt par suite d'un mariage déjà contracté, et c'est le lien du mariage, tantôt par défaut de convenance, soit qu'il y ait trop de distance de l'une à l'autre, de là la disparité du culte, soit, au contraire, qu'il y ait trop de rapprochement, et ici se présente la parenté, l'affinité et l'honnêteté publique, soit, enfin, par suite d'un crime antérieur, tel que l'adultère et l'homicide. Note. Si l'on assigne des empêchements au mariage plutôt qu'aux autres sacrements, c'est que, premièrement, exigeant le concours de deux personnes, tandis que, dans les autres sacrements, une seule suffit, il peut être empêché pour un plus grand nombre de motifs. En second lieu, il constitue un état pour lequel il n'y a ni précepte, ni conseil, comme il en existe à l'égard des biens parfaits, on lui assigne plus d'empêchements qu'aux autres sacrements, précisément pour porter à y renoncer. Il peut d'ailleurs être considéré comme un devoir naturel, comme un sacrement et comme un contrat civil, et, par suite, la loi naturelle, la loi ecclésiastique, et même la loi civile, peuvent rendre une personne inhabile à se marier, ce qui n'a pas lieu pour les autres sacrements. Saint Thomas ne veut pas dire que la loi civile seule puisse établir des empêchements à la validité du mariage. Nous lisons plus loin, la prohibition de la loi civile ne suffit pas pour constituer un empêchement de mariage sans l'intervention de l'Église. Voir. Question 57, article 2, l'adoption empêche-t-elle le mariage? Cela nous explique aussi pourquoi les empêchements n'ont pas été les mêmes à toutes les époques, la loi naturelle reçoit diverses déterminations selon les états divers du genre humain, et le droit positif varie aussi avec les temps et les relations sociales. Question 51. De l'empêchement de l'erreur. L'erreur est un empêchement. De quelle erreur il s'agit? 1. L'erreur se place-t-elle convenablement parmi les empêchements du mariage? Nous lisons dans les digestes, qu'y a-t-il de plus contraire au consentement que l'erreur? Or rien n'est plus nécessaire au mariage que le consentement. L'erreur se place donc naturellement parmi les empêchements dirimants. En effet, le consentement est la cause du mariage, tout ce qui l'annule empêche le mariage lui-même. 2. Une erreur quelconque empêche-t-elle le mariage? Le mariage suppose deux personnes qui se donnent pouvoir l'une sur l'autre. Il est annulé d'abord par l'erreur sur la personne. Ensuite, par l'erreur sur la condition de la personne, un esclave ne saurait donner, avec toute la liberté requise, pouvoir sur lui sans le consentement de son maître. Les autres erreurs n'empêchent pas la validité du mariage. Question 52. De l'empêchement de la condition. Que la condition servile est un empêchement quand elle n'est pas déclarée. L'esclave peut néanmoins se marier sans le consentement de son maître. Servitude survenue au mariage. Les enfants suivent-ils la condition de leur père? 1. La condition servile empêche-t-elle le mariage? La condition servile, qui ôte la liberté de remplir les engagements du mariage, est un empêchement dirimant. Quand elle est ignorée de l'autre partie contractante, elle n'en est pas un, si elle lui est révélée. Note. On va voir tout à l'heure que les esclaves peuvent se marier en faisant connaître leurs conditions. Fin de la note. 2. L'esclave peut-il contracter mariage sans le consentement de son maître? En Jésus-Christ, nous dit saint Paul, il n'y a ni esclave, ni homme libre. Galates 3:28. Donc, sous la loi du Christ, les esclaves et les hommes libres sont également habiles à contracter mariage. En effet, si le droit positif découle du droit naturel, il n'est pas possible que la servitude, établie par le droit positif, empêche le mariage, qui est de droit naturel. L'esclave n'est pas assujetti à son seigneur au point de ne pouvoir librement manger, dormir et pourvoir à sa conservation. Il peut pareillement suivre le penchant naturel qui a pour but la conservation de l'espèce humaine, et contracter mariage à l'insu et contre le gré de son maître. 3. La servitude peut-elle survenir au mariage? L'homme peut se donner en servitude à un autre homme sans le consentement de son épouse. Le mariage, toutefois, n'est pas dissous par là. Nul empêchement postérieur ne rompt un mariage contracté. Note. Le mari, devenu esclave, n'est pas déchargé de l'obligation de rendre à son épouse les devoirs imposés par le mariage, il est obligé de les accomplir alors même que son maître s'y oppose. La femme n'a pas le droit de se donner en servitude sans le consentement de son mari, qui est son chef dans le gouvernement domestique. Fin de la note. 4. Les enfants suivent-ils la condition du père? D'après les lois civiles, l'enfant suit la condition de la mère dans la liberté et dans la servitude. Cette disposition est rationnelle, il tient son corps de sa mère. Pour la dignité et les titres, il suit le père. Dans certains pays, il suit la condition la moins favorable. Si le père est esclave, il l'est aussi, la mère étant de condition libre. Il convient mieux qu'il suive la condition de sa mère. Question 53. Des empêchements du vœu et de l'ordre. Le mariage est dirimé, non par le vœu simple, mais par le vœu solennel. De l'empêchement provenant des ordres sacrés, peut-on recevoir les ordres quand on est marié? 1. Le vœu simple annule-t-il le mariage? Le vœu simple rend le mariage illicite, mais non pas invalide. Il empêche de contracter mariage, dit Alexandre III, il n'annule pas le mariage contracté. Ce vœu n'est qu'une promesse de garder la continence, il ne transfère pas immédiatement à Dieu le domaine du corps, quoi qu'il empêche la licité du mariage qui doit être contracté. Il ne détruit pas la validité de celui qui devient l'objet d'un contrat réel. 2. Le vœu solennel annule-t-il le mariage? Le vœu solennel fait contracter avec Dieu un mariage spirituel très supérieur au mariage corporel, qui pourtant rend nul tout autre mariage ultérieur. Pour cela même il doit être compté parmi les empêchements dirimants du mariage. Note. Le Concile de Trente a prononcé anathème contre ceux qui soutiendraient que les religieux qui ont fait le vœu solennel de continence peuvent se marier validement. La différence entre le vœu simple et le vœu solennel repose sur ce principe, qu'en émettant le vœu solennel, l'homme renonce par le fait même à tout pouvoir sur son corps, pour se consacrer à Dieu dans la continence perpétuelle, tandis que, dans le vœu simple, il ne livre pas immédiatement ce qu'il promet. Fin de la note. 3. L'ordre empêche-t-il le mariage? Il était de haute convenance que les ordres majeurs ou sacrés, qui donnent le pouvoir de toucher les vases sacrés et d'administrer les sacrements, empêchassent le mariage. Rien ne convenant mieux au ministre des autels que la pureté corporelle, fruit de la continence, l'Église en a fait une loi. Note. D'après le Concile de Trente, ceux qui sont dans les ordres sacrés, c'est-à-dire les sous-diacres, les diacres, les prêtres et les évêques, ne peuvent contracter mariage, cet empêchement n'étant que d'institution ecclésiastique. Le pape en dispense parfois pour des raisons très graves. Fin de la note. Il est à remarquer cependant que cette loi de l'Église n'est pas la même chez les Grecs et chez les Latins. Chez les Grecs, l'ordre seul, après qu'il est reçu, empêche de contracter mariage, au lieu que, chez les Latins, le même empêchement vient à la fois de l'ordre et du vœu de chasteté qui, dans l'Église d'Occident, est implicitement annexé aux ordres sacrés, bien que l'ordinant ne le prononce pas verbalement. Il en résulte que, chez les Grecs et les autres orientaux, les ordres sacrés n'interdisent pas l'usage du mariage contracté avant l'ordination, bien qu'ils empêchent de contracter mariage, tandis que, dans l'Église d'Occident, ils empêchent non seulement de contracter mariage, mais d'user du mariage contracté antérieurement. 4. Celui qui est marié peut-il recevoir les ordres sacrés? Si un homme marié s'approche des ordres sacrés, même malgré son épouse, il en reçoit le caractère, mais il n'a pas le pouvoir d'en exercer les fonctions. Si, au contraire, il s'en approche, du consentement de son épouse ou après la mort de celle-ci, il reçoit en même temps le caractère de l'ordre et le pouvoir d'en exercer les fonctions. Note. La femme qui consent à ce que son mari reçoive les ordres sacrés est obligée de faire vœu de continence perpétuelle. Mais, lorsque le mari s'engage dans les ordres sans son consentement, elle n'y est pas tenue, aucun préjudice ne peut en résulter pour elle. Question 54. De l'empêchement de consanguinité. Définition de la consanguinité. Degré et ligne. Que la parenté empêche le mariage. L'Église a le droit d'en fixer les degrés. 1. La consanguinité a-t-elle été bien définie? La consanguinité est un lien contracté par la propagation du sang entre les personnes qui descendent d'une même souche. Cette définition, généralement admise, est exacte, elle indique le genre, le sujet et le principe de l'empêchement de consanguinité. Note. Il s'agit ici d'une souche prochaine, dont la vertu peut persévérer encore dans ceux qui en descendent, et non pas d'une souche sans influence par son éloignement, autrement tous les hommes seraient consanguins en Adam. Fin de la note. 2. Convient-il de diviser la consanguinité par degré et par ligne? Il y a trois choses à distinguer dans la consanguinité, le rapport du principe avec son produit, le rapport du produit avec son principe, et le rapport réciproque des produits du même principe. Ces trois rapports produisent trois lignes, celle des descendants, qui va du père au fils, celle des ascendants, qui remonte du Fils au Père, est la ligne collatérale, qui marque la relation de deux personnes descendues d'une souche commune. Dans la ligne ascendante et descendante, il y a un degré de consanguinité par là même qu'une personne est née d'une autre. Celle qui se présente la première, soit en remontant, soit en descendant, est éloignée d'un degré de celle qui la précède ou qui la suit, tels sont le Père et le Fils. Celle qui vient en second lieu est au second degré, et ainsi de suite. Dans la ligne collatérale, où la parenté provient de ce que deux personnes descendent d'une même personne, mais non pas de ce qu'elles sont issues l'une de l'autre, les degrés se comptent par l'éloignement où l'on est de la souche unique et commune. S'il y a inégalité, on prend la distance la plus éloignée, le frère et la sœur, ou les deux frères, sont au premier degré, parce qu'ils sont l'un et l'autre à un degré de la souche commune, l'oncle et le neveu sont au second degré, et non au premier. Note. Les cousins germains sont au second degré, les issus de cousins germains, au troisième, et les enfants issus de cousins germains, au quatrième. Fin de la note. Le droit civil compte les degrés dans la ligne collatérale en les prenant des deux côtés à partir de la souche commune. Le frère et la sœur sont au second degré, les enfants des deux frères sont au quatrième degré, parce qu'ils sont l'un et l'autre éloignés de deux degrés de la souche commune. Mais la supputation canonique ne considère que le degré le plus éloigné où se trouve l'une des deux personnes à partir du principe. Note. Lorsqu'il y a inégalité dans les degrés de parenté, elle dit que deux personnes sont parentes d'un degré à un autre, par exemple, du premier au second, au troisième, au quatrième, et ainsi de suite. Fin de la note. 3. La consanguinité est-elle, de droit naturel, un empêchement du mariage? Ce qui met obstacle à ce que le mariage atteigne d'une manière convenable la fin que la nature lui assigne est un empêchement fondé sur le droit naturel. Or la consanguinité du père et de la fille, de la mère et du fils, s'oppose à la fin principale du mariage, qui est le bien des enfants. Saint Grégoire disait très bien, l'expérience nous apprend que les enfants issus des proches parents ne peuvent réussir. En outre, ce serait un désordre réprouvé par la nature, si une fille, qui doit être en tout soumise à son père par là même qu'elle en est issue, lui était unie par le mariage à titre d'épouse, pour lui donner des enfants. La loi naturelle serait encore plus visiblement méconnue par le mariage d'un fils avec sa propre mère, qui lui devrait alors la soumission comme à son mari. Le bien des enfants ne serait pas, dans de pareilles conditions, convenablement réalisé. D'un autre côté, la fin secondaire du mariage, qui est de réprimer la concupiscence, serait annulé du moment où l'on pourrait épouser tous ses parents. Une large porte serait ouverte à la concupiscence chez les membres d'une famille forcée d'habiter dans la même maison. Pour cette raison, la loi divine a interdit le mariage, non seulement entre les enfants et les auteurs de leur jour, mais encore entre les autres personnes qui, liées par la parenté, sont obligés de demeurer ensemble. Enfin, le but accidentel du mariage, l'union des hommes et la propagation de l'amitié, ne serait pas non plus atteint par la permission d'épouser les personnes de son sang, car il ne ressortirait du mariage aucune amitié nouvelle. Il suit de tout cela que les lois civiles et les lois canoniques ont dû assigner pour empêchement au mariage certains degrés de consanguinité, parmi lesquels les uns sont de droit naturel, d'autres de droit divin, d'autres de droit humain. 4. L'Église a-t-elle le droit de fixer les degrés de consanguinité qui empêchent le mariage? Le Seigneur disait à ses disciples, « Qui vous écoute m'écoute », Luc 10, 16, donc les lois de l'Église sont aussi puissantes que celles de Dieu, donc encore l'Église, qui a défendu ou permis le mariage à certains degrés, avait un tel droit. La consanguinité a toujours été un empêchement du mariage, mais à divers degrés, suivant les temps. À l'origine du genre humain, elle interdisait seulement aux enfants d'épouser leur père ou leur mère. La loi mosaïque, pour réprimer la concupiscence, défendit aux personnes qui habitaient en famille sous le même toit de se marier ensemble, bien que, pour la transmission du culte de Dieu, elle prescrivit à chacun de prendre une épouse dans sa parenté. L'Église, sous la loi nouvelle, défendit d'abord le mariage jusqu'au septième degré de consanguinité. Dans ces derniers temps, à cause du refroidissement de la charité, elle a restreint sa défense au quatrième degré. Note. Ceci est applicable à la ligne collatérale, la parenté en ligne directe, à quelque degré que ce soit, un empêchement dirimant. La loi civile n'étant pas, dans la ligne collatérale, l'empêchement de consanguinité aussi loin que la loi ecclésiastique, elle interdit seulement le mariage entre le frère et la sœur, légitime ou naturel, et les alliés au même degré, c'est-à-dire entre beau-frère et belle-sœur, entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu, le grand-oncle et la petite-nièce. Voyez le Code civil, article 161, et suivant. On doit s'en tenir, sur ce point, à ce qui est réglé par les canons. Question 55. De l'empêchement d'affinité. Diverses causes de l'affinité. Elle est un empêchement du mariage. Comment se comptent ces degrés? Du cas où deux personnes se sont mariées avec un empêchement de parenté ou d'affinité. 1. L'affinité naît-elle du mariage d'un parent? De ce principe que le mari et la femme sont une même chair, il suit que, comme le mari tient par la chair à tous ceux qui sont du même sang que lui, la femme leur est pareillement unie. Ce lien, qui se contracte par le mariage et par un commerce charnel, prend le nom d'affinité. L'affinité est une sorte de parenté qui se distingue de la consanguinité en ce qu'elle ne dérive pas comme celle-ci de la propagation d'un même sang. 2. L'affinité subsiste-t-elle après la mort du mari ou de la femme? L'affinité ne cesse pas tant que subsistent les personnes avec lesquelles on l'a contractée, bien que la personne à cause de laquelle elle s'est produite ne soit plus existante. La raison en est qu'elle provient de l'existence du lien de deux personnes, et non pas seulement de leur union actuelle. 3. L'affinité résulte-t-elle d'un commerce illicite? Saint Paul écrivait, « Celui qui s'unit à une prostituée devient un même corps avec elle. » 1 Corinthiens 6, 16. Par cela même, la fornication produit l'affinité, comme le mariage. Note. Le commerce contre nature ne la produit pas. Fin de la note. 4. L'affinité résulte-t-elle des fiançailles? Les fiançailles produisent, non pas précisément l'affinité qui naît du mariage, mais quelque chose qui y ressemble, et que l'on appelle l'honnêteté publique. Cet empêchement dirime le mariage, aussi bien que l'affinité et la consanguinité, il s'étend au même degré. L'Église l'a établi pour une raison de bienséance. Note. Depuis le Concile de Trente, cet empêchement ne dépasse point le premier degré, et les fiançailles, pour une cause quelconque, ne sont pas valides, ils n'existent point. Le contrat de mariage suffit pour l'affinité, avant même la consommation du mariage. L'empêchement d'honnêteté publique, qui vient d'un mariage contracté et non consommé, s'étend au quatrième degré inclusivement. Fin de la note. 5. L'affinité est-elle cause de l'affinité? L'affinité ne produit pas l'affinité. Les parents d'une femme ne sont liés par aucune parenté aux parents de son mari, à plus forte raison en est-il de même des alliés de cette femme. D'ailleurs, l'affinité n'est pas un lien de la même espèce que la parenté. L'épouse seule devient parente avec les consanguins de son époux au même degré que lui. Note. Le frère de mon allié, ou son père, n'a avec moi aucune affinité. Affinitas non parit affinitatem. D'après ce principe, les deux frères peuvent se marier avec les deux sœurs, le père et le fils peuvent épouser la mère et la fille. Fin de la note. 6. L'affinité empêche-t-elle le mariage? L'affinité antérieure au mariage empêche non seulement le mariage qui doit être contracté, mais dirime celui qui l'est de fait, et cela à cause de la nécessité où sont les parents d'habiter ensemble. Note. L'union des alliés s'opposerait à l'extension de l'amitié et à la répression de la concupiscence, de bien que le mariage doit procurer. Fin de la note. 7. L'affinité a-t-elle des degrés par elle-même? L'affinité n'a par elle-même que les degrés de la consanguinité d'où elle provient. Voici la règle générale qui sert à les déterminer. Autant il y a de degrés de consanguinité entre un homme et moi, autant il y a de degrés d'affinité entre moi et sa femme. Note. L'affinité empruntée suit les degrés de la consanguinité. Fin de la note. 8. Les degrés d'affinité s'étendent-ils aussi loin que ceux de consanguinité? Ils s'étendent aussi loin, puisqu'une personne vous est parente par affinité du moment qu'elle est unie à quelqu'un qui vous est parent par consanguinité. Cependant, parce que l'affinité est un lien moins étroit que la parenté naturelle, on en obtient plus facilement dispense pour les degrés éloignés. Note. D'après le droit actuel, l'affinité en ligne directe est un empêchement dirimant jusqu'à l'infini. En ligne collatérale, l'empêchement d'affinité légitime s'étend au quatrième degré inclusivement. L'empêchement provenant d'un mauvais commerce ne s'étend que jusqu'au deuxième. Fin de la note. 9. Le mariage contracté entre parents ou alliés doit-il toujours être dirimé? Un tel mariage n'existant pas en réalité, les personnes qui l'ont contracté de fait ne peuvent s'unir charnellement sans péché mortel. L'Église, qui a pour mission d'empêcher le mal sur la terre, doit en prononcer la nullité lorsque l'empêchement parvient à sa connaissance. 10. Le mariage des parents ou des alliés peut-il être l'objet d'une accusation? L'accusation a pour but de faire connaître un acte illicite, afin que l'on ne regarde pas comme légitime ce qui est coupable. Le mariage contracté dans le cas supposé en peut certainement être l'objet. Note. Cette accusation se produit de vive voix ou par écrit. C'est principalement à l'occasion de la proclamation des bans qu'il convient de déclarer l'empêchement que l'on connaît. Fin de la note. 11. Avant de prononcer la séparation d'un tel mariage, convient-il de procéder par témoin? Ici, comme dans les autres causes, le juge doit procéder à l'audition des témoins pour asseoir un jugement certain. Mais le même homme peut être accusateur et témoin, les parents sont admis à déposer, et on reçoit comme valables les assertions fondées sur le oui-dire. Tout cela pour but d'empêcher le péché qui se rencontrerait dans cette union. Question 56. De l'empêchement de la parenté spirituelle. La parenté spirituelle est un empêchement qui se contracte par le baptême et par la confirmation. 1. La parenté spirituelle empêche-t-elle le mariage? La parenté spirituelle, qui provient de la réception d'un sacrement, empêche, d'après les lois de l'Église, de contracter mariage, et rompt le mariage contracté malgré elle, tout comme la parenté naturelle. Si elle survient au mariage, elle ne l'annule pas, elle en empêche seulement l'usage, lorsqu'elle provient d'un acte réfléchi et non nécessaire. Note. La parenté spirituelle étant de soi une cause d'amitié, l'Église a voulu par cet empêchement étendre à d'autres personnes les relations amicales que le mariage est appelé à produire. Fin de la note. 2. La parenté spirituelle se contracte-t-elle seulement par le baptême? La parenté spirituelle ne résulte pas seulement du baptême, elle se contracte aussi par la confirmation, qui est comme une seconde naissance spirituelle par laquelle l'homme devient capable de confesser en public le nom de Jésus-Christ. Note. Dans les diocèses où l'on donne des parrains et des marraines aux confirmants, la parenté spirituelle est la même que dans le baptême. Fin de la note. 3. La parenté spirituelle se contracte-t-elle entre celui qui est baptisé et le parrain? Le parrain d'une personne, dans le baptême ou dans la confirmation, contracte avec elle l'empêchement de la parenté spirituelle à raison de la génération spirituelle qui rend cette personne enfant de Dieu et de l'Église, dont le parrain est le représentant. 4. La parenté spirituelle passe-t-elle du mari à la femme? La parenté spirituelle passe du mari à la femme, tout ainsi que la consanguinité. Note. Depuis le Concile de Trente, la parenté spirituelle ne passe ni du mari à la femme, ni de la femme au mari. Fin de la note. 5. La parenté spirituelle passe-t-elle aux enfants du Père spirituel? La parenté spirituelle passe aux enfants du Père spirituel. Elle empêche de contracter mariage et annule le mariage contracté. Note. Nous ne donnons ces décisions que comme des renseignements propres à faire comprendre l'histoire de l'Église, car cette discipline a été changée par le Concile de Trente. De nos jours, la parenté spirituelle se contracte seulement, premièrement entre celui qui administre le baptême et celui qui le reçoit, deuxièmement entre le ministre et les pères et mères de celui qui est baptisé, troisièmement entre le parrain d'une part et le baptisé de l'autre, quatrièmement entre le parrain et la marraine d'une part, et, d'autre part, le père et la mère de celui qui est baptisé. Dans la confirmation, la parenté est la même que dans le baptême. Question 57. De la parenté légale ou de l'adoption. Définition de l'adoption. Empêchement quelle forme? 1. L'adoption a-t-elle été définie comme il convient? L'adoption, établie pour suppléer au défaut d'enfant, est une sorte d'imitation de la filiation naturelle. On l'a très bien définie ainsi. L'adoption consiste à prendre, conformément aux lois, une personne étrangère pour fils ou fille, pour petit-fils ou petite-fille. Note. Il y a deux espèces d'adoption, l'une parfaite, par laquelle l'adopté succède au père sans testament, ab intestat, l'autre imparfaite, qui ne donne par elle-même aucun droit à l'héritage. L'adoption a été principalement établie pour consoler les parents de la perte de leurs enfants. Fin de la note. 2. L'adoption empêche-t-elle le mariage? Nous l'avons dit, L'Église a dû interdire le mariage entre les personnes qui sont forcées d'habiter ensemble, dans la crainte que la possibilité de contracter un jour cette union ne donnât un facile accès à la concupiscence, que le mariage est appelé à réprimer. Puisque le fils adoptif demeure dans la maison de l'adoptant, comme le véritable fils, les lois civiles ont eu raison de prohiber le mariage entre les personnes unies par ce lien. L'Église les a approuvés, et la parenté légale est ainsi devenue un empêchement du mariage. Note. Sans l'intervention de l'Église, la prohibition de la loi civile ne suffirait pas pour constituer un empêchement du mariage. Fin de la note. 3. La parenté légale ne se contracte-t-elle qu'entre l'adoptant et l'adopté? La parenté légale se contracte, premièrement entre l'adoptant et l'adopté, deuxièmement entre l'adoptant et tous les descendants de l'adopté, troisièmement entre l'adopté et tous les enfants de l'adoptant, quatrièmement entre l'adoptant et la femme de l'adopté, cinquièmement entre l'adopté et l'épouse de l'adoptant. Note. Notre code a ainsi réglé les conditions de l'adoption. L'adoption n'est permise qu'aux personnes de l'un et de l'autre sexe âgées de plus de 50 ans, qui n'auront, à l'époque de l'adoption, ni enfants ni descendants légitimes, et qui auront au moins 15 ans de plus que les individus qu'elles se proposent d'adopter. Article 343. Le mariage est prohibé entre l'adoptant, l'adopté et ses descendants, entre les enfants adoptifs du même individu, entre l'adopté et les enfants qui pourraient survenir à l'adoptant, entre l'adopté et le conjoint de l'adoptant, et, réciproquement, entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté. Article 348. Notre législation est, sur ce point, en parfait accord avec le droit canon. Question 58. Des empêchements de l'impuissance, de maléfice, de la démence, de l'inceste et du défaut d'âge. On donne la raison de ces divers empêchements. 1. L'impuissance naturelle empêche-t-elle le mariage? Le mariage renferme un contrat par lequel les deux parties s'obligent à en accomplir les devoirs. L'impuissance qui, provenant d'un défaut naturel, est absolument incurable, empêche de le contracter, et le rend nul si l'on passe outre. Celui des deux époux qui en est atteint n'a pas l'espoir de pouvoir se marier, et l'autre peut épouser, dans le Seigneur, qui il veut. Pour constater si l'empêchement est perpétuel ou non, l'Église accorde 3 ans. 2. Le maléfice peut-il empêcher le mariage? Job 41:24 disait, « Il n'y a pas sur la terre de puissance comparable à celle du démon. » Dès que l'impuissance qui résulte d'un maléfice est perpétuelle, elle est un empêchement dirimant du mariage. L'Église accorde 3 ans pour la constater, comme pour l'impuissance naturelle. Lorsque la nullité du mariage est déclarée par un jugement de l'Église, les deux parties peuvent rechercher une autre union. 3. La démence empêche-t-elle le mariage? La démence précède ou suit le mariage. Lorsqu'elle ne vient qu'après, elle ne l'annule pas. Quand elle le précède, la personne qui en est atteinte a des intervalles lucides où elle n'en a pas. Si elle en a et qu'elle se marie pendant l'un d'eux, son mariage est valide. Si elle n'en a pas ou si elle se marie pendant les accès de sa folie, son mariage est nul, sans l'usage de la raison, il n'y a pas de vrai consentement. 4. L'inceste commis avec la sœur de l'épouse annule-t-il le mariage? Quand ce crime est commis avant le mariage, il constitue un empêchement dirimant à raison de l'affinité qu'il a produite. Lorsqu'il est postérieur au mariage contracté, il ne le dissout pas, mais il prive le coupable du droit d'en demander l'usage, sans le dispenser de se rendre au vœu de son épouse. 5. Le défaut d'âge empêche-t-il le mariage? Le droit canonique défend de se marier avant l'âge de puberté, fixé à 12 ans pour les filles et à 14 pour les garçons. Si, cependant, la vigueur du tempérament et de la raison suppléait au défaut de l'âge, le mariage contracté avant cet âge resterait indissoluble, les lois positives se basent sur les faits ordinaires. Note. Le code civil ne permet pas à l'homme de se marier avant 18 ans révolus, et à la femme avant 15 ans accomplis. Question 59. De l'empêchement de la disparité du culte. En quoi il consiste? Règle à suivre. 1. Un fidèle peut-il épouser une infidèle? Quelle alliance, disait l'apôtre, peut exister entre la lumière et les ténèbres? 2 Corinthiens 6, 14. Former les enfants au culte de Dieu par l'éducation, œuvre commune du père et de la mère, voilà le principal bien du mariage. Or, lorsque le mari et la femme n'ont pas la même foi, chacun cherche à les former au service de Dieu selon sa croyance, contraire à celle de l'autre, et le mariage ne peut pas atteindre son but d'une manière convenable. Pour cette raison, l'Église a statué que la disparité du culte empêche le mariage d'un fidèle avec une infidèle, et réciproquement. Note. Le mariage entre les fidèles et les hérétiques baptisés est valide, quoique illicite. Mais, lorsqu'une personne baptisée, sans excepter même les catéchumènes, épouse une personne non baptisée, le mariage est nul. L'empêchement de la disparité du culte n'est que de droit ecclésiastique, l'Église peut en dispenser. Fin de la note. 2. Le mariage existe-t-il entre les infidèles? Saint Paul écrivait, « Si l'un de nos frères a pour épouse une infidèle qui consent à habiter avec lui, qu'il ne s'en sépare point. » 1 Corinthiens 7, 12. Une épouse suppose un mariage. Le mariage existe donc chez les infidèles. Nous ne dirons pas qu'il y est aussi parfait que chez les fidèles, où il est perfectionné par la grâce, mais nous dirons qu'il y est véritable, parce que, pour n'avoir pas, comme celui des fidèles, son dernier perfectionnement, il peut néanmoins avoir la perfection propre à la loi de nature. Note. Le mariage n'a pas été établi uniquement comme sacrement, il l'a été aussi comme fonction naturelle. C'est pourquoi, bien qu'il ne soit pas un sacrement chez les infidèles, il y existe véritablement comme un devoir naturel, on peut même dire qu'il y est une sorte de signe sacramentel. Fin de la note. 3. Un mari converti à la foi peut-il demeurer avec son épouse qui refuse de se convertir? Saint Paul conseille au mari converti de demeurer avec son épouse restée dans l'infidélité. 1 Corinthiens 7, 12. Le mariage était réel et valide dans l'infidélité, la foi de l'une des parties, au lieu de le dissoudre, le perfectionne. Quoi qu'il en soit, en ce qui regarde la cohabitation et la reddition du devoir, l'infidélité est mise sur le même rang que l'adultère. Le mari peut renvoyer l'épouse qui reste dans l'infidélité, ou la garder avec lui, l'apôtre ne donne à cet égard qu'un simple conseil. 4. Le fidèle converti peut-il renvoyer son épouse infidèle qui veut habiter avec lui sans blasphémer le Créateur? L'homme converti à la foi et régénéré en Jésus-Christ est mort à sa vie antérieure. Par cela seul que son épouse refuse de se convertir, il est délivré de l'obligation d'habiter avec elle, alors même qu'elle ne se livre à aucun blasphème. 5. Le fidèle qui se sépare de sa femme infidèle peut-il contracter un autre mariage? Nous distinguons. Ou bien la femme infidèle veut demeurer avec son mari sans faire injure au Créateur, et alors le mari, quoique libre de la quitter, ne saurait en prendre une autre. Ou bien elle ne veut pas s'abstenir de proférer des paroles blasphématoires contre le Christ ou de chercher à ébranler sa foi, et, dans ce cas, le mari peut, après s'être séparé d'elle, contracter un autre mariage. Note. Le second mariage, contracté dans la foi du Christ, détruit celui qu'il avait été dans l'infidélité. Le mari est délivré de ses premiers engagements par la faute même de sa femme. Fin de la note. 6. Les autres vices diriment-ils le mariage? Il est écrit, quiconque renvoie sa femme, si ce n'est pour cause de fornication, l'induit à l'impureté. Matthieu 5, 32. La fornication et l'infidélité, opposées chacune d'une manière spéciale au bien du mariage, ont chacune aussi une puissance particulière pour séparer les époux. Le mariage contracté ou ratifié après le baptême ne saurait être détruit, quant au lien, ni par l'infidélité, ni par l'adultère. Le mariage contracté dans l'infidélité, et non ratifié après le baptême, est dissous lorsque, l'un des époux restant dans l'infidélité, l'autre, converti à la foi, contracte une nouvelle alliance. Le mariage peut être rompu, quant à son usage, par l'adultère et par l'infidélité. Les autres péchés ne le diriment d'aucune façon, ni quant au lien, ni quant à l'usage. Il est seulement permis au mari de vivre pendant quelque temps séparé de sa femme, pour la punir, si elle le mérite. Question 60. De l'empêchement du crime. Il n'est jamais permis au mari de tuer son épouse. Dans quel cas ce crime est un empêchement du mariage? 1. Est-il permis à un mari de tuer sa femme qu'il surprend dans l'adultère? L'Église n'approuve pas la loi civile qui permet au mari de donner la mort à sa femme adultère. Elle ne lui reconnaît pas plus droit qu'à la femme de le tuer lui-même en pareil cas. Qu'il la poursuive devant les tribunaux et demande contre elle les sévérités de la loi, il le peut, mais il encourrait la peine éternelle, s'il lui donnait la mort de sa propre main. Note. Réservée à ceux qui remplissent les fonctions publiques, la peine de mort n'est point confiée aux simples particuliers. Fin de la note. 2. L'homme qui a tué sa femme peut-il en épouser une autre? L'Église ne veut pas que l'homme qui a péché contre le mariage en donnant la mort à sa propre femme, puisse s'en dispenser en épouser une autre. Celui qui mettrait sa femme à mort dans l'intention de prendre une personne avec laquelle il entretient un mauvais commerce, ne pourrait épouser celle-ci validement. À l'égard des autres femmes, son incapacité n'est pas absolue. S'il en épouse une autre que sa complice, son mariage est illicite, mais valide. Note. Pour que le meurtre produise un empêchement diriment, il faut, premièrement que le meurtre soit consommé, deuxièmement que les deux parties aient concouru physiquement ou moralement. Troisièmement que les coupables aient commis le crime dans l'intention de se marier ensemble. Question 61. De l'empêchement du vœu solennel. L'un des époux ne peut pas, après la consommation du mariage, entrer en religion malgré l'autre. Il le peut avant que le mariage ne soit consommé. Dans ce dernier cas, l'autre peut se remarier. 1. L'un des époux peut-il embrasser la vie religieuse, malgré l'autre, Après la consommation du mariage? Non, ce serait une injustice. La consommation du mariage donne à chacun des époux pouvoir sur le corps de l'autre. On ne fait point à Dieu l'offrande d'un bien qui n'est pas à soi. 2. L'un des époux peut-il embrasser la vie religieuse, malgré l'autre, avant la consommation du mariage? Le mariage, avant sa consommation, consiste seulement dans un lien spirituel qui unit les époux, l'état religieux, par lequel on meurt au monde afin de ne plus vivre que pour Dieu, a la puissance de briser un tel lien, tout autant que la mort corporelle. Note. Il est accordé 2 mois aux époux pour décider de leur avenir relativement à la vie religieuse. Pendant cette période, ils ne sont tenus ni l'un ni l'autre de rendre le devoir conjugal. Mais, du moment que le mariage est consommé, chacun d'eux est entré en possession du pouvoir qui lui a été transmis. Fin de la note. Une femme peut-elle transvoler à 2 secondes de noces lorsque son mari est entré en religion avant la consommation du mariage? Elle le peut, comme si son mari avait réellement perdu la vie, mais elle doit attendre qu'il ait fait sa profession religieuse, avant laquelle il n'est pas encore mort au monde. Question 62. De l'empêchement qui survient par la fornication au mariage consommé. Il est permis à l'homme de renvoyer sa femme pour cause de fornication. Il y est tenu quelquefois. Droit de la femme, en pareil cas, le divorce ne dirime pas le mariage. De la réconciliation. 1. Est-il permis à un homme de renvoyer sa femme pour cause de fornication? Le Seigneur y a autorisé le mari pour punir l'épouse infidèle à ses engagements et pour le récompenser lui-même de sa fidélité à la foi jurée. Matthieu 5, 32. Toutefois, la fornication n'est pas une cause de séparation lorsque la femme, par suite d'erreur ou de violence, est excusée de toute faute, elle n'en serait pas une non plus. Si le mari s'était rendu coupable du même crime, s'il avait coopéré à celui de sa femme, ou enfin s'il avait continué d'habiter avec elle malgré la connaissance de ses désordres. 2. Le mari est-il obligé de renvoyer sa femme pour cause de fornication? Il n'y est pas obligé lorsque sa femme se repent de sa faute. Une peine destinée à corriger n'est pas nécessaire, du moment que l'effet est déjà obtenu. Mais, si cette femme ne se repent pas, c'est un devoir pour lui d'user de la correction, dans la crainte de paraître favoriser son inconduite. 3. Le mari peut-il de son autorité propre renvoyer sa femme pour cause de fornication? Il peut l'éloigner de son lit du moment qu'il a des preuves certaines de son crime, mais, pour ce qui est de la séparation, il doit provoquer un jugement de l'Église, afin d'obtenir le divorce. Note. La séparation n'a lieu, parmi nous, quant aux effets temporels, qu'autant qu'elle a été prononcée par les tribunaux civils. Le sens du mot « divorce » va être expliqué dans le 5e article. Le mariage n'est jamais dissous quant au lien. Fin de la note. 4. Les deux époux ont-ils le même droit de demander le divorce? Dans la cause du divorce, le mari et la femme, à raison de la fidélité qu'ils se doivent l'un à l'autre, sont sur le même rang, quoique, eu égard au bien des enfants, le crime de la femme soit plus grief que celui du mari. Ainsi deux criminels sont parfois condamnés au même genre de mort, bien que l'un soit plus coupable que l'autre. Note. Le droit canon met les deux époux sur le pied de l'égalité. La loi civile, en France, n'accorde à la femme le droit de demander la séparation de corps que tant que le mari a tenu sa concubine dans la maison commune. Fin de la note. 5. Après le divorce, l'un des époux peut-il contracter un autre mariage? Saint Paul écrit, c'est le Seigneur, et non pas moi, qui ordonne à la femme de ne point se séparer de son mari, et, si elle s'en sépare, de demeurer sans se marier. 1 Corinthiens 7, 10. Rien de ce qui suit le mariage n'a la vertu de le dissoudre, l'adultère ne l'empêche pas d'être un vrai mariage. Le lien conjugal, dit très bien saint Augustin, persévère entre les vivants, il n'est détruit ni par la séparation, ni par une autre alliance. Il n'est donc pas permis à l'un des époux, du vivant de l'autre, de contracter une nouvelle union. 6. L'homme et la femme peuvent-ils se réconcilier après leur séparation? L'apôtre, après avoir dit que la femme qui se sépare de son mari demeure sans se marier, ajoute, ou se réconcilie avec lui. 1 Corinthiens 7, 10. C'est qu'en effet, si la femme s'est corrigée et a fait pénitence depuis sa séparation, son mari peut se réconcilier avec elle. Note. La sentence qui prononce le divorce autorise seulement la séparation. Le mari, qui l'a obtenu pour cause d'adultère, a le droit de se tenir éloigné pendant le reste de sa vie. La femme peut, par son repentir, l'engager à la rappeler, sans l'y contraindre, elle est tenue de revenir à lui, s'il l'exige. Markemdanarchive.org 2021. D'après Books Google FR. Licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.